Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est samedi, c'est l'heure de Dr Disco et Mr Funk. On va passer un bon moment ensemble, j'en doute pas. D'ailleurs, on va démarrer sur les chapeaux de roue avec la découverte du jour. Le nominé, c'est Dan Hartman. Son plus grand succès est Instant Replay, sorti en 1978. L'artiste, il est surtout connu pour ses talents de composition et de production. Il a collaboré entre autres avec Tina Turner, Joe Cocker et Paul Young. Sa carrière, malheureusement, fut écourtée par son décès en 1994. Un son bien disco qui va vous ravir, j'espère. Allez, c'est maintenant. Le double dose va faire plaisir à beaucoup, j'espère, puisqu'on va parler du groupe ABBA. Je pense que vous l'attendiez et vous allez être servi. On va pas détailler non plus la carrière du groupe, ça nous prendrait pas mal de temps. Il faut savoir que le nom du groupe est composé des quatre initiales des prénoms des membres. Il a ressorti un album l'an passé, c'était leur 9e. Ils ont vendu plus de 180 millions de disques. Ils remportent le concours Eurovision en 1974 grâce à leur chanson Waterloo. C'est à partir d'ici que leur carrière décolle. Usant de mélodies accrocheuses et d'arrangements soignés, les titres Fernando et Mamma Mia, en 1976, font un carton mondial. Leurs titres sont traduits en espagnol pour séduire l'Amérique latine. C'est pas bête. En 1977, un film documentaire est tourné à leur gloire. Ce sera leur apogée avant le lent déclin dû à la célébrité qui pèse sur le groupe. Agnetha et Björn divorcent en 1979, et deux ans plus tard, c'est l'autre couple qui divorce. Devant sa popularité en déclin, et sans toutefois annoncer officiellement sa dissolution, ABBA effectue sa dernière apparition publique à la télévision le 11 décembre 1982. Cependant, lors d'une interview accordée à un magazine suédois paru le 23 janvier 1983, Agnetha confia que chacun des membres désirait faire évoluer sa carrière en solo et qu'il était peu probable que les membres du groupe ABBA reprennent leur carrière ensemble. Comme quoi, faut jamais faire de promesses comme ça. Le 2 septembre 2021, après 40 ans de pause, ABBA sort Voyage, dont sont extraits deux singles. Ils ont prévu de faire des concerts, mais uniquement en hologramme cette année. Assez parlé, place à l'écoute. J'ai sélectionné Dancing Queen et Give Me, Give Me, Give Me. We'll be right back. Dr Disco et Mr Funk sur Fadjet. Maxi dit gros succès. Aujourd'hui, Midnight Star et son cultissime Midas Touch. Le titre est extrait de l'album Headline, sorti en 1986. C'est le dernier gros succès du groupe. Ah, c'est sûr que c'est pas comme le roi Midas qui transformait tout en or, mais c'est du très très bon son. Je vous laisse juger immédiatement. And you say that you're looking for an answer. Eh ben, c'était pas mal du tout ça. Hein. Alors pour l'instant français, j'ai choisi un mandalier. Bon, c'est sûr que c'est pas la plus connue à avoir fait du disco, mais on n'est pas là pour découvrir des titres. Bon, je pense que si. Hein. Imaginez le tableau. Nous sommes en 1977, Playing Vague Disco, et elle sort son premier album, I Am a Photograph. Le titre fait référence à sa carrière de mannequin. La chanson que l'on va écouter est justement extraite de ce dernier album, c'est Queen of Chinatown. Elle est restée 17 semaines, oui, 17 semaines, dans les hit-parades allemands, et oui, pas français. Il y aura ensuite Follow Me, qui sera le plus grand succès de sa carrière. Jusqu'en 1981, elle vendra plus de 20 millions d'albums. Elle est multiprofession, car mis à part le chant, elle est aussi mannequin, comme je vous l'ai déjà indiqué, mais animatrice télé et artiste peintre. Elle fut la muse du grand Salvador Dali. Elle a sorti son dernier album en octobre 2021. Assez parlé, direction Chinatown. Down in Chinatown, she runs all the opium den down in Chinatown. Bring her your gold, bring her your worries, and when life gets a bit too dreary to stand, give a ring to the Queen of China. Plein de bonnes ondes avec Fadjet. La pépite de ce samedi est consacrée à Michael Jackson. J'ai choisi Off the Wall, issu de l'album portant le même nom. Le titre sort en février 1980. Ah, il me semble que je vous ai déjà présenté un extrait de cet album. Alors, promis, la prochaine fois, on changera d'album s'il revient dans la pépite, bien sûr. Bonne écoute. Voilà, voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Alors, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, un bon dimanche, une bonne semaine, que des bonnes choses. Et à samedi prochain. Bye bye.